Chapitre 18e, dans la suite romaine. On était aux premières journées d'octobre. Déjà l'air, léger et rafraîchi, annonçait les brumes automnales. Cette nuit-là, Rome reposait dans le silence et dans l'ombre bleue. Vers le château Saint-Ange, un groupe d'une douzaine de personnes stationnait en un lieu désert où un bouquet de peupliers bruissait doucement. Du Tibre tout proche, une vapeur ténue montait, comme un rideau de gaz. Vers l'Orient, le ciel s'éclairait d'une lueur argentée. Une horloge tinta quatre coups. « Allons !» prononça une voix dans le groupe. « En route, Scipion !»« Oui, monsieur d'Aubigné, je suis prêt. »« Tu as la fiole ?» demanda une autre voix. « Oui, monsieur le chevalier, donne. »« Tes armes ?» fit un troisième. « Je les ai, monsieur le baron. »« Alors, adieu va, mon brave. »« Pars !» reprit le premier qui avait parlé. « Tes amis te suivront de près. » Un homme, enveloppé dans un ample manteau, se détacha du groupe, monta vers le Vatican et disparut bientôt dans la nuit. 5 minutes après lui, 3 autres se mirent en marche dans la même direction. Par moments luisaient des éclairs d'armes. D'ailleurs, les 3 hommes semblaient être des soldats. S'il avait été possible de distinguer leurs traits, on eût reconnu Sulpice, Babylas et Rodolphe, vêtus en hallebardiers du pape. Ils s'éloignèrent à leur tour. « À vous, mes amis !» prononça d'Aubigné, et 7 autres silhouettes partirent encore vers le Vatican. « À nos postes, messieurs !» fit la voix de Givry. Les gentilshommes s'éloignèrent précipitamment. À peu de distance, la basilique de Saint-Pierre dressait devant eux, dans le ciel blanchissant, ses murailles et ses tours. Ils contournèrent le monument, atteignirent la colonnade de la place. De derrière un des piliers, une silhouette se détacha et les regarda, immobile, puis rentra dans l'ombre. Belcoeur se précipita vers cette forme, arriva au pilier, rien. Mais à quelques toises, un hallebardier se promenait gravement. En entendant venir Roselin et Guillaume, le garde fit brusquement demi-tour et abaissa sa lance, signal convenu entre les gentilshommes et leurs écuyers. Cet homme était donc un des leurs. Ils s'avancèrent et reconnurent Sulpice. « Eh bien ? » demanda Givry. « Rien à signaler jusqu'ici, monseigneur. » Cependant, derrière un de ces piliers là-bas, nous avons aperçu quelqu'un. « J'ouvre l'œil de ce côté, messire. » Les 2 gentilshommes marchèrent vers la porte de bronze et en chemin croisèrent encore Babylas, en hallebardier pontifical, qui, reconnaissant ses maîtres, abaissa aussi sa pertuisane et leur fit brièvement son rapport. Lui non plus n'avait rien révélé de suspect. Roselin entraîna Guillaume vers la porte du bronze de Vatican. Ils y arrivèrent. À quelques pas devant eux, un autre garde se dressa, semblant attendre. « C'est Rodolphe !» murmura le baron. « Navarre !» prononça le chevalier à demi-voix. « Ah, messieurs !» fit le hallebardier. « Vous, enfin !» Belcoeur s'approcha du ventail de bronze. Il tira de son pourpoint la fiole que Babylas avait remise à la varenne et qui contenait un liquide adhésif dont il enduisit un panneau. Là-dessus, il appliqua un papier qui faisait une tache blanche dans la nuit. La réponse du roi de Navarre à l'excommunication de Sixte Quint. « Bon, » fit-il, en jetant la fiole au loin, « c'est bien collé. Nul danger que le papier s'envole. Où est Scipion ? Il est parti par là, entraînant le hallebardier ivre-mort dont j'ai pris la place pour plus de prudence. « Tu peux te retirer maintenant, » dit Belcoeur. « Nous allons rester là. D'ailleurs, le jour ne tardera pas à paraître. Tu vas reprendre le même chemin que pour venir ici. » Cette ruelle qui longe le Saint-Office. « Je connais, » fit Rodolphe. « Vers le milieu de cette rue, tu trouveras des morts et des blessés gisant à terre. Ces gens voulaient nous empêcher de passer, tu comprends ? Bref, l'un d'eux parle français et nous lui avons promis nos soins. Tu le transporteras à une maison du voisinage et paieras pour qu'on s'occupe de lui. Bah !» Rodolphe s'éloigna. Restés seuls, Roselin et Guillaume s'approchèrent de la porte et regardèrent avec satisfaction le placard du roi Henri, qui allait bientôt resplendir dans toute son insolence à la lumière du matin. « Allons, voilà qui est fait !» dit la varenne joyeux. « Mais le jour ne va pas tarder. Il faudrait se tenir un peu à l'écart pour voir de loin ce qui se passe. » Ils s'engagèrent sous la colonnade semi-circulaire de la place Saint-Pierre. Parmi les piliers, ils ne pouvaient guère être remarqués, mais tout à coup, comme ils longeaient la partie du corridor d'Alexandre VI reliée au palais, ils perçurent des plaintes faibles provenant d'un angle obscur de la muraille. Ils ne tardèrent pas à apercevoir à terre un corps immobile, Roselin se pencha. « C'est Scipion ! » s'exclama-t-il. « Ligoté, bâillonné, vite, Guillaume !» Les deux gentilshommes se hâtèrent de détacher le bâillon et les liens qui attachaient l'écuyer d'Agrippa. Il remua, soupira. « Hé, mon pauvre Scipion, que t'est-il arrivé ?»« Ah, c'est vous, monsieur de Givry. On m'a roué de coups et à demi assommé, et j'ai deux ou trois coups de dague dans le dos. J'ai bien cru, sur le moment, partir pour l'autre monde. Mais ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Seulement, ce bâillon m'étouffait. « Parbleu, c'est compréhensible !» s'écria Roselin. « Par qui as-tu été assailli ?»« Par quatre masqués. Ils me sont tombés dessus sans crier gare. Ce n'est pas moi qu'ils attendaient. Lorsqu'ils m'ont eu lié, l'un d'eux est parti et revenu en compagnie d'un autre, grand, très brun, barbu, qui s'est penché sur moi et a dit d'une voix colère « Non, ce n'est pas lui. »« Porto Carrero, » fit Guillaume. « Toujours ce damné marquis, » gronda Belcoeur. « Enfin, tu ne t'en es pas trop mal tiré. Regagne donc la carrière dont nous avons convenu. Tu y retrouveras tes camarades. » Belcoeur et son ami attendirent encore quelques minutes au même endroit. Sur la place Saint-Pierre, des gens commençaient à aller et venir. Petits marchands des rues, ouvriers se rendant à leur travail, curés ou vicaires rejoignant leur église pour la première messe, fidèles se pressant à leur dévotion, domestiques et soldats du palais entrant au Vatican pour leur service. Le jour se levait, blême encore. Des coqs chantaient dans les cours des maisons voisines. Les boutiquiers ouvraient leurs portes et haussaient le vent de leurs boutiques. Partout renaissait la rumeur de la vie. Curieusement, le baron et le chevalier regardaient le va-et-vient de ce monde matineux. Nul ne les apercevait. Et si par hasard leur présence avait été remarquée, on n'y eût point pris garde. Vêtus d'étoffes communes, simplement, et cachés d'amples capes, ils paraissaient de ces pèlerins qui attendent de pénétrer dans le palais et d'approcher le Saint-Père. Plus d'une heure s'écoula ainsi. La foule, maintenant, avait grossi, et sous les colonnades de la place, une affluence se pressait et se coudoyait. C'était le moment de la messe à Saint-Pierre. Le pape devait y paraître ce jour-là. Les fidèles accouraient à ce spectacle assez rare. La place commençait à s'encombrer de cavaliers et de litières. Des robes de prêtres, de moines dominaient. Les cardinaux descendaient de leurs carrosses et on entrevoyait le pourpre de leurs simarres. Une compagnie de Suisses vint prendre place dans le péristyle. Des camériers en habits de cour circulaient, accompagnés de gardes nobles. Des porteurs de pédias, des massiers, des boussolanti étaient fort remarqués de la foule qui se les désignait avec respect. Et tout à coup, au moment où le soleil se montrait, radieux, éclairant le vaste palais, une clameur retentit, s'éleva, plana, grossit. Roselin et Guillaume tressaillirent. « Qu'est-ce ? » murmurèrent-ils. On ne distinguait aucun mot dans ce cri poussé par 30 poitrines au moins. C'était une exclamation prolongée, où on percevait à la fois de la colère, de la stupéfaction, de la réprobation, de la crainte. « Allons voir !» décida Belcoeur. Et fondant la foule, ils se dirigèrent vers le lieu d'où partait ce bruit singulier. Ils n'eurent d'ailleurs qu'à suivre le courant humain, car tout le monde courait vers le même point, la porte de bronze du Vatican.